إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 25 dans l'explication de la aqida des deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a, ce qu'on appelle parfois Ar-Raziyan, c'est-à-dire les deux Razi, parce qu'ils viennent tous les deux de la ville de Ray. Et les gens de la ville de Ray, si quelqu'un vient de la ville de Ray, on dit de lui qu'il est un Razi. Et le Zayd. Quoi, mais ils ont rajouté le Zayd. Yani, pour que ce soit plus facile à prononcer probablement. Naam. Donc, on est arrivé à la partie 25. Parmi les éléments que les deux imams ont mentionnés, parmi les éléments de la croyance d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'ah. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'élément numéro 25 parmi les éléments de la aqida de Razi. Et au dernier cours, on a expliqué à la fin à propos de la secte qui a dévié parmi les sectes d'égarement, qui est la secte des Murji'ah. On a parlé de ça. Maintenant, le cheikh, les deux imams, ils parlent maintenant d'une autre secte qui a dévié au sujet de la religion. La première secte, celle dont on a parlé, c'était la secte des Murji'ah. Ils ont dévié au sujet de la définition de la foi. Et ils ont exclu les actions de la foi. Donc eux, ils ont dit, yani, la foi, ça ne comprend pas les œuvres. Donc, tu peux faire tous les péchés que tu veux, et tu peux négliger toutes les obligations religieuses que tu veux, c'est pas grave. Du moment que tu dis que tu crois dans ton cœur, yani, t'es un croyant, ta foi est complète et parfaite, et donc peu importe qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas, eh bien t'es quand même un mu'min avec une foi complète, et il croit pas que la foi augmente ou diminue et des choses de ce genre. On a réfuté ça et on a expliqué non, que les actions font partie de la foi. Et que si quelqu'un ne fait pas les œuvres, eh bien, même s'il prétend à la foi, sa foi, elle est soit incomplète, ou soit que, yani, il contredit complètement la base de la foi. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas de foi du tout. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a rapport avec cette secte qu'on appelle la secte des Murji'ah. Maintenant, c'est une autre secte qu'on appelle la secte des Qadariyah. La secte des Qadariyah, c'est une secte qui a dévié au sujet de la prédestination, au sujet de la prédestination, c'est-à-dire al-qadar. Et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc les deux imams, juste avant de wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, avant de rentrer dans le cœur du sujet de al-qadar, il faut comprendre un point très important, c'est que al-qadar, c'est directement relié à la foi en Dieu et directement relié à la foi en l'unicité d'Allah, c'est-à-dire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que la base de la religion musulmane, le fondement de l'islam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, et que, yani, il n'y a pas d'autre Dieu avec lui, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et que de croire en lui et en son unicité, ça implique que tu dois également n'adorer que lui, et que rien d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Parce que parmi les différents, des différentes croyances, les différentes croyances religieuses, il y a des gens qui disent, nous croyons que Dieu est unique, mais lorsque il est temps d'observer ou d'analyser leurs pratiques religieuses, on voit que ils prennent entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs. Et donc, au lieu d'adorer Dieu seul et d'adorer Dieu directement, ils vont passer par un nombre de saints, un nombre de prophètes, d'anges ou d'autres parmi les créatures pour adorer Dieu au lieu d'adorer Dieu seul et au lieu d'adorer Dieu directement, comme Allah a ordonné qu'il d'être adoré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais demandé aux hommes d'être adorés par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et il n'a jamais non plus permis à l'humanité d'adorer autre que lui. Et donc, ça c'est le message de tous les messagers d'Allah, de tous les prophètes que Allah a envoyés à l'humanité, depuis Adam jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wassalam, en passant par Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, Jésus, et tous les autres prophètes. Ils ont, il n'y en a aucun d'entre eux qui a permis qu'on adore autre que Dieu, ou qu'on prenne entre nous-mêmes et notre Créateur un intermédiaire ou un intercesseur dans l'adoration. Quiconque fait ça, il a commis le plus grand péché qui existe dans l'islam, c'est-à-dire shirk, c'est-à-dire de prendre entre soi-même et Dieu des partenaires et des associés dans l'adoration avec Dieu. Donc c'est de l'idolâtrie et c'est du polythéisme, et c'est ce que tous les messagers d'Allah ont interdit. Maintenant, la prédestination s'est reliée à la foi en l'unicité d'Allah, parce que parmi les éléments qui ont rapport avec l'unicité d'Allah, c'est qu'il faut croire en Ar-Rububiyya. Il faut croire en Ar-Rububiyya. Et Ar-Rububiyya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, c'est le seul créateur, le seul maître, c'est le seul qui donne à chaque chose sa subsistance, c'est le seul qui peut faire vivre et qui peut faire mourir, et donc c'est le seul maître et créateur. Donc ça veut dire que il n'y a personne autre que lui qui contrôle quoi que ce soit dans l'univers, et il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers en dehors de sa volonté, c'est lui seul qui décide qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Personne autre que lui n'a de décision dans qu'est-ce qui se passe dans l'univers, et personne donc ne peut agir ou bouger ou changer ou faire quoi que ce soit sans sa volonté, sans sa permission. Même une goutte d'eau qui tombe d'un nuage ou une feuille qui tombe d'un arbre ne peut tomber que par sa permission et par sa volonté. Même un atome, et il ne partage rien de son contrôle et de son royaume avec quiconque. Même si c'est la plus petite des particules qui existent dans l'univers, il n'y a personne qui en partage quoi que ce soit avec lui. Il est le seul et l'unique maître absolu de toute chose. Donc ça, c'est un élément qui a rapport avec la foi en Allah et en sa rububiyya, sa souveraineté, et le fait qu'il est le seul maître de l'univers. Maintenant, ça, c'est un lien direct avec Al-Qadr. Parce que Al-Qadr, c'est le pouvoir d'Allah, et c'est ça, toute puissance, le fait que c'est lui qui décide de tout et qui est maître de tout et qui sait tout. Et ça a un lien aussi avec Al-Asma ou Sifat, qui est directement relié au Tawhid, puisque ça, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et dans ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim. Donc il a les plus beaux noms, et parmi ces noms-là, justement, c'est qu'il est Al-Qadir, Al-Qadir, qu'il est Al-Alim, Al-Hakim, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour résumer les éléments du tawhid et pour faire comprendre le lien qui existe entre Al-Qadr, Al-Iman bil-Qadr, ou Al-Iman bil-Tawhid. Donc les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, Al-Radiyan, ils ont dit « Wal-Qadariyatu al-Mubtadi'atu dullal, dullalun » فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. C'est-à-dire que les qadariyas sont des innovateurs égarés. Et quiconque renie parmi eux que Allah sait et connaît toutes choses. Hein, quiconque renie que Allah connaît toutes choses et qui connaît une chose avant qu'elle soit, alors il n'est pas croyant. Si quelqu'un renie que Allah sait qu'une chose sera avant qu'elle soit, alors dans ce cas-là, c'est un kafir, c'est-à-dire c'est pas un croyant. Parce que on va expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a connaissance de toutes choses. Et sa connaissance de toutes choses, c'est quelque chose d'éternel. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su et il a toujours tout, il a toujours eu toute la science de toutes choses, du passé, de l'avenir et du présent. Et yani, il connaît toutes choses, il connaît ce qui est, il connaît ce qui n'est pas, et il sait hein, tout ce qui est possible. Donc, il n'y a rien qui échappe de la science absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si quelqu'un dit Allah sait juste qu'est-ce qui va se produire une fois que la chose s'est produite, ça veut dire qu'il a nié une partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a nié que la science d'Allah est absolue. Et il y a des sectes, il y a des groupes d'égarement qui ont dévié dans cette chose-là. Ils pensent que Allah, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Hein? Il sait juste qu'est-ce qui va se produire après que la chose se soit produite. Hein? Et ça veut dire que pour eux, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est un ignorant. A'udhu billah. Et ça, c'est du kufr. Il n'y a pas de doute que ça, c'est du kufr. C'est de la mécréance. Donc le cheikh, il explique maintenant, cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il explique ce point-là. Et il dit, wa huma qisman, qismun fi al-bidayati bada'a yunkiru ilm Allah fil ashya' qabla kawniha, وينكر أن أفعال العباد بإرادة الله ومشيئته ويعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه وهؤلاء كفرهم السلف. أي نعم. Donc le cheikh il dit les qadariyah sont de deux catégories. Ceux qui il y a une catégorie qui à la base ils ont renié au début la science de toutes choses. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a de toutes choses et qu'il connaît les choses avant qu'elles existent et avant qu'elles soient. Et il renie également que les actes et les œuvres des serviteurs soient par la volonté d'Allah hein, et par sa décision et par son choix. Et il croit que l'être humain crée lui-même ses propres œuvres. Et ceux-là ont été déclarés kuffars par les salafs. Wa su'ila anhum Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fa qala lahu Yahya ibn Ya'mar innahu qad dhahara qiblana unas fi al-Iraq ya'ni yaqra'una al-Qur'an wa yaqtarifun yaqtafirun al-'ilm aw yaqtarifun al-'ilm wa dhakara وذكر من شأنهم ثم قال إنهم يقولون ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال يعني أبلغهم أني منهم براء وأنهم مني براء براء وأنهم مني براء والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمنون بالقدر وساق حديث جبريل وسار أهل السنة على هذا المنوال يكفرونهم لأنهم ينكرون علم الله تبارك وتعالى السابق واللاحق. Donc le cheikh il dit que on a posé la question à un des grands parmi les compagnons Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, au sujet de la secte des Qadariya, quand ils sont apparus au début. Ils sont allés, il y a des tabi'in, des élèves des sahaba qui sont venus. Parmi eux, Yahya ibn Ya'mar. Il est venu pendant la période du Hajj. Et ils avaient l'habitude, les gens justement, de venir au Hajj pour rencontrer les sahaba, pour rencontrer les ulama et pour poser des questions au sujet de l'islam, de la croyance et des problèmes qui arrivaient à l'époque dans les différentes régions. Donc eux, comme Yahya ibn Ya'mar, ils venaient de l'Irak. Et en Irak, ils ont eu un problème avec des individus. Il dit, il y a des gens chez nous, en Irak, qui récitent le Coran et qui cherchent la science. Mais ce sont des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de prédestination. Ils ne croient pas qu'il y a une prédestination des choses. Et qu'ils pensent que les choses se font hein, comme ça, sans prédestination. Alors, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, transmets-leur de ma part que je me désavoue d'eux, hein, je suis innocent d'eux, et ils sont innocents de moi. C'est-à-dire, j'ai rien à voir avec eux, et eux n'ont rien à voir avec moi. Et même s'ils donnaient en aumône ou en charité la quantité de la montagne de Uhud en or, Allah n'aurait rien accepté et ça ne leur aurait profité en rien jusqu'à ce qu'ils croient en la prédestination, en le qadar. Et après ça, il a cité le hadith de Jibril, alayhi salam, dans lequel il y a la question au sujet de la foi. Qu'est-ce que la foi est dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam explique que la foi c'est de croire en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination. Hein? C'est de croire en qu'est-ce qui a été prédestiné pour toi, de bien ou de mal. Donc ça veut dire que ça fait partie des éléments de la foi qui sont des piliers dans la foi. Et que si quelqu'un renie la foi à la prédestination, il n'est pas croyant. Même s'il dit je crois en Dieu, mais il ne croit pas à la prédestination, c'est comme s'il n'était pas croyant en Dieu vraiment. Parce que sa foi est incomplète. Donc, c'est devenu maintenant pour les gens de la Sunna une règle. Que toute personne qui renie ces éléments de la foi comme la prédestination, qu'ils sont considérés comme étant des non-croyants. Parce qu'il renie la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala et la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il explique, ensuite il dit وَعِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ سَابِقًا وَلَاحِقًا يُنْكِرُونَهُ لَا يَعْلَمُ الْأَعْمَالِ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِهَا أَمَّا قَبْلَ الْوُقُوعِ مَا يَعْلَمُهَا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كفرهم السلف فلما شد السلف عليهم تراجعوا وصاروا يعترفون بعلم الله في الأزل وفي اللوح المحفوظ ولكن ينكرون تعلق إرادة الله بأفعال العباد ومشيئته وقدرته لا علاقة لها بها. Donc la science d'Allah et le fait qu'il connaît toutes choses, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir, ça, il le nie. Et il prétend que Allah sait uniquement les actions et les œuvres des hommes après qu'elles se soient produites. Hein? Et j'ai rencontré déjà même parmi les témoins de Jéhovah, il y a une secte chrétienne qui s'appelle les témoins de Jéhovah, ils croient comme ça aussi. Ils croient que Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, excepté une fois que tu as fait quelque chose, c'est là que Dieu va le savoir. Et je leur ai dit, mais ça c'est ridicule, comment vous pouvez croire que Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avant qu'on l'ait fait. Hein? Vous croyez seulement qu'il sait ça après qu'on l'ait fait. Ça veut dire, d'après vous, Dieu n'a pas la connaissance de toute chose. Ils ont dit, non, c'est comme si il peut le savoir, mais il décide de l'ignorer ou de ne pas le savoir. Ils ont dit, ça, c'est n'importe quoi. Après, ils m'ont donné un exemple. Ils m'ont dit, c'est comme quelqu'un qui a un poste de radio, mais au lieu d'écouter les nouvelles, il décide de l'éteindre. Je dis ça, ça fait vraiment pas de sens. Mais, étant donné que c'est des gens qui sont égarés dans leurs croyances, malheureusement, ils ne peuvent pas distinguer entre le vrai et le faux dans ces questions-là, malheureusement. Donc, c'est pour dire, ils ont la même croyance que ces Qadariya, cette secte des Qadariya, hein, qui ont dévié. Et déjà, même à la base, les premiers qui ont ramené cette fausse croyance à l'intérieur, parmi les musulmans, c'était, hein, ils disent, les ulama disent que c'était un individu qui s'appelait, si je ne me trompe pas, c'était Ma'bad al-Juhani. Et aussi, ils mentionnent parfois aussi Raylan al-Dimashqi. C'était des gens qui étaient chrétiens, qui se sont convertis à l'islam, mais qui avaient des problèmes dans le Qadar, ils ont ramené ça avec eux dans l'islam. Allah al-Musta'an. Donc, ils avaient mal compris cette question de la prédestination. Donc, le cheikh ici, il dit, donc, il dit, ces gens-là, ils croient que Allah ne savait pas qu'est-ce que les hommes allaient faire, excepté une fois que l'action s'était déjà produite. Mais, il dit, amma qabla al-wuqu' ma ya'lamu Allah. Ils disent, avant que l'action se soit produite, ils disent, Allah ne savait pas. Et à cause de ça, les pieux prédécesseurs parmi les musulmans les ont déclarés kuffar. Ils ont déclaré les Qadariya kuffar. Et lorsqu'ils ont vu les Qadariya, que les salafs ont été très durs avec eux, sur cette position-là, ils sont revenus. Beaucoup d'entre eux sont revenus de cette position et ils ont commencé à reconnaître la science d'Allah éternel et le fait qu'il a écrit la prédestination dans la table préservée, Al-Lawh al-Mahfouz. Mais par contre, ils ont renié le lien entre la volonté d'Allah et les actions des serviteurs, ainsi que sa volonté et sa toute-puissance. Donc ils disent, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre la volonté d'Allah et les actions des serviteurs. Donc ils ont dévié quand même, mais ils ont reconnu la science. Et le cheikh, il dit ensuite, فَهَاُولَا مِنْهُمْ مِنَ السَّلَفْ مَنْ يُكَفِّرْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُكَفِّرْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ دُلَّالٌ كَمَا يَقُولُ هَذَا الْإِمَامُ وَهَيْرُهُ يعني كثير من السلف ما كفروا القدرية في نهاية أمرهم لأنهم تنازلوا عن إنكار علم الله السابق وأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ فكل هذه كان سلفهم ينكرونها فتراجع متأخروهم عنها وصاروا يعترفون بهذه الأشياء ولكن ينكرون إرادة الله ومشيئته لأفعال العباد ويعتقدون أن العباد يخلقون أفعال نفسهم ولا دخل لإرادة الله ومشيئته في هذه الأشياء. Donc le cheikh il dit, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu la science infinie d'Allah, mais qui ont renié le lien entre la volonté d'Allah et les actions des serviteurs, ceux-là, il y en a parmi les salafs qui les ont déclarés kuffar et d'autres qui ne les ont pas déclarés kuffar. Mais ils les ont considérés comme étant des égarés quand même. Et il dit, c'est ça ce que dit cet imam et d'autres également. C'est-à-dire que plusieurs d'entre les salafs, ils n'ont pas déclaré kuffar les qadariyas à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de revenir sur une partie de leur négation hein, au sujet de la prédestination, et ils ont accepté de reconnaître la science la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah savait ce qu'il faisait avant de le faire, hein. Donc ils ont reconnu ça, c'est-à-dire ils ont reconnu la science infinie d'Allah, et ils ont reconnu également que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table préservée, ça ils y croient. Ils croient en la science d'Allah et en ce qu'Allah a écrit de la prédestination. Donc, ça c'est des choses que leurs prédécesseurs avaient reniées, puis ils sont revenus sur ça par la suite, hein, et ils ont commencé à reconnaître ces éléments-là. Toutefois, ils ont continué à renier la volonté d'Allah hein, au sujet des actes des serviteurs et le lien qu'il y a entre les deux. Et ils croient que les actions des serviteurs sont créées par les hommes eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui créent leurs actions, hein, et que ça n'a aucun lien, que leurs actions n'ont aucun lien avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un égarement, hein, il n'y a pas de doute que c'est un égarement et que c'est en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna. Parce que c'est clair qu'il n'y a rien qui peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Le cheikh explique, il dit وَعِنْدْ أَهْلِ السُنَّةِ كُلُّ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ فِي هَذَا الْكَوْنِ لَا يَخْرُجُ عَنْ إِرَادَةِ اللَّهِ وَمَشِئَتِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وفي الحديث عندكم حديث جبريل لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فكل ما يدور في الكون وأي حركة أو سكون في الكون كلها بمشيئة الله وإرادته لا يخرج مثقال ذرة عن إرادة الله ومشيئته لأنه لا يكون في كونه ما لا يريد ولا يكون إلا ما يريده والحكمة عنده سبحانه وتعالى فلله الحجة البالغة. Donc le cheikh, il explique, il dit que pour les gens de la sunna, les gens de Ahlus Sunna, c'est-à-dire qu'est-ce qui était dans le passé et ce qu'il va y avoir dans l'avenir, dans cet univers, ça ne sort pas de la volonté d'Allah et de son vouloir. Que ce soit du bien ou que ce soit du mal, il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith qu'on a mentionné, le hadith de Jibril, lorsque Jibril demande au messager d'Allah au sujet de la foi, il lui répond et il lui dit, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers et de croire au jour dernier, et que tu crois en la prédestination de qu'est-ce qui a été prédestiné de bien ou de mal. Donc tout ce qui se produit dans l'univers, tout mouvement ou toute absence de mouvement, sukoun, c'est-à-dire le fait d'être immobile, hein, quelque chose qui est, que soit un mouvement ou l'immobilité dans l'univers, ça se produit uniquement par la volonté d'Allah. Et il n'y a même pas une atome qui peut sortir de la volonté d'Allah dans l'univers et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son vouloir. Parce que dans la création d'Allah, il ne peut se produire que ce que Allah veut. Hein? Et il n'y a rien qui se produit excepté parce qu'il l'a voulu. Et il faut comprendre, comme je l'ai expliqué, parfois, c'est possible que des choses se produisent, et on sait qu'il n'y a que ce que Allah veut qui se produit, mais ça ne veut pas dire que si Allah veut que quelque chose se produit, qu'il aime nécessairement cette chose. Parce qu'on a expliqué déjà que la volonté d'Allah, il y a al-irada al-kawniya wa al-irada al-shar'iya. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala veut et qu'en même temps il aime, et il y a des choses qu'il veut et qu'il n'aime pas, mais il permet à ces choses-là d'exister ou d'être ou de se produire pour une sagesse et pour un but qui est bon, hein? Même si il déteste cette chose, c'est pour tester les hommes et pour les éprouver, tu comprends? Donc par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le crime, il n'aime pas l'idolâtrie, il n'aime pas le meurtre, il n'aime pas le vol, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas toutes ces choses, mais il permet parfois que ces choses-là se produisent pour une sagesse et pour éprouver les hommes, hein? Et il a par exemple voulu que le diable existe, hein? Et il a voulu pour une sagesse. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il a voulu que certaines choses se produisent, même si ces choses-là, il ne les aime pas, mais il les a voulu pour sa sagesse, parce qu'il y a un bien dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le mal qui existe, hein, il n'a pas créé un mal qui est pur, purement mal. Parce que même dans le mal qu'il a créé, à la fin, il y a un bien dedans. Hein. Parfois, on peut le voir ce bien, parfois on ne le voit pas. Mais c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, toute sa sagesse, elle est bonne. Tout ce qu'il a prédestiné, c'est bon. Même si pour certains, parfois, ça peut ne pas être clair. Hein. Parce que notre compréhension et notre connaissance est limitée par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le verset 149 dans sourate Al-An'am. Le verset 149 dans sourate Al-An'am c'est falillahi al-hujjatul baligha. La traduction de ça dans la traduction en français c'est dit l'argument décisif appartient à Allah. L'argument décisif appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a l'argument décisif. C'est lui qui a l'argument qui tranche et qui est absolu. Après, il dit wal 'abdu mas'ulun amama Allah tabaraka wa ta'ala li'anna Allah a'tahu 'ilman wa a'tahu qudratan wa a'tahu iradatan wa a'tahu sam'an wa basaran wa a'tahu tamyizan bayna al-haqq wal batil wal khayr wal sharr. ومع ذلك يرتكب الكفر والمعاصي وما شاكل ذلك فهو مسؤول عما يرتكبه من أفعاله لأنه أتاه أو أتاها باختياره. Donc le cheikh il explique que l'homme il est responsable de ses actes devant Allah. Pourquoi? Parce que Allah lui a donné une science, Allah lui a donné une capacité, Allah lui a donné une volonté, Allah lui a donné l'ouïe, la vue, il lui a donné le discernement et la capacité de distinguer entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal. Et malgré tout ça, l'homme décide et choisit de son propre gré de tomber dans le coffre et de pratiquer la mécréance ou de faire des péchés et des choses de ce genre. Alors c'est lui seul le responsable de ce qu'il commet ou de ce qu'il fait comme action, parce qu'il le fait par son propre choix et par son propre gré. Hein? Si l'homme commet un péché ou fait une faute, c'est de son propre gré et de sa propre responsabilité. Le cheikh il dit « Wal qadaru, kama yuqal, sirrun min asrarillah. Hein? Wa lamma tadhhab tunqib. تضل فيكفيك هذا الله حكيم عليم ولا يفعل شيئا إلا بحكمة وإرادة سبحانه وتعالى ولا يقدر شيئا إلا وهو له فيه الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فنؤمن بهذا وأنه لا يحدث في الكون أو لا يحدث في الكون شيء إلا بإرادة الله وأن العباد يعملون أعمالهم باختيارهم وقدرتهم وإن كان ذلك مرتبطا بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله عندهم مشيئة عندهم إرادة لكنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit la prédestination aussi c'est comme on dit c'est un des mystères parmi les mystères d'Allah. La prédestination, c'est un des mystères parmi les mystères d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans la prédestination, si tu commences à essayer d'y penser ou de réfléchir trop, tu t'égares. Parce que ça dépasse ton entendement. Hein? Tu peux pas comprendre Allah subhanahu wa ta'ala et sa science infinie. Si tu essaies de comprendre la science infinie d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Et comment il sait les choses avant qu'elles se produisent à l'infini? Tu peux pas comprendre ces choses-là. Ça dépasse la capacité de ton esprit, de ton cerveau. Donc, il te suffit hein, de te limiter à ce que Allah t'a donné comme connaissance à ce sujet. Allah, tu sais que Allah, il est sage, qu'il est omniscient, et qu'il n'y a rien qu'il fait excepté que c'est pour une sagesse, et que c'est selon sa volonté, et qu'il n'y a rien qu'il a prédestiné, excepté qu'il y a dedans une sagesse infinie, une grande sagesse. Donc tu crois en ça, et tu sais qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté par sa volonté, et que les actions des serviteurs et des hommes, lorsqu'ils font une action, ils la font par leur propre choix et par leur propre capacité. Mais ce choix et cette volonté qu'ils ont, elle est reliée à la volonté d'Allah. Hein? C'est vrai, l'homme, il a son choix, il a sa volonté, il a sa capacité. Mais sa volonté, sa capacité est limitée par la volonté d'Allah. Puisque la volonté d'Allah, elle est absolue. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Hein? Vous ne pouvez vouloir excepté hein, si Allah le veut. Donc ta volonté, elle ne dépasse pas la volonté d'Allah. Elle ne peut pas dépasser la volonté d'Allah. Hein? Parfois, par exemple, tu dis, moi je veux faire quelque chose. Je veux faire telle chose. Et puis à la fin, tu n'y arrives pas. Tu n'es pas capable. Tu ne peux pas le faire. Parce que Allah, il a prédestiné pour toi autre chose. D'accord? Donc, des fois, tu décides, tu dis, ah, je veux faire ça. Puis tout d'un coup, en plein milieu, alors que tu es en train de le faire, tu dis, ah, j'ai plus envie de le faire, je vais faire autre chose maintenant. Hein? Ou même, une fois, tu marches, tu dis, ah, je vais aller à telle place. Puis tout d'un coup, tu dis, ah non, je veux plus aller à cette place, je vais aller à l'autre place. Parce que, toi, tu veux quelque chose, mais à la fin, tu dis, hein, tu peux pas savoir qu'est-ce que Allah a prédestiné pour toi. C'est Allah qui décide. Hein? Donc, tu mets hein, ta confiance en Allah. Hein? Et tu sais que Allah, il est sage. Et que peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est toujours un bien si tu restes dans l'obéissance d'Allah. Hein? Après, le Cheikh, il dit, « هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار يحاسبون في ضوئه والإنسان يشعر بالعمل الذي يعمله مضطرا مضطرا ومكرها عليه والعمل الذي يأتيه باختياره ورغبته فالذي يأتي بالزنا يأتيه برغبته واختياره والذي يغتاب الذي ينم الذي يكذب الذي يفجر يأتي هذه الأشياء كلها باختياره أو يأتي أعمال البر باختياره يصلي يصوم يزكي باختياره فإن صلى وصام وزكى كل هذا من عمله والله يثيبه على هذا العمل وإن فعل شرا أي شر فهذا من عمله والله يحاسبه عليه ويكافئه عليه. Donc le cheikh il explique, il dit, l'être humain, il a sa volonté, il a son choix, hein, et Allah va le juger à la lumière de ce choix qu'il a fait. Donc l'homme, hein, quand il fait une action, il ne ressent pas qu'il est forcé ou contraint à faire cette action-là. Hein? Comme par exemple, peu importe quelle action que tu le fais par ton propre gré, par ton propre choix. Si quelqu'un fait le zina, il fait l'adultère ou la fornication, il le fait par son propre choix. S'il parle dans le dos de quelqu'un, ou bien il fait de la médisance, ou bien il ment, ou bien il fait de la perversité ou des péchés, il le fait par son propre choix. S'il décide de faire le bien, il le fait par son propre choix. Par exemple, il fait la prière, il fait le jeûne, il fait ça par son propre choix. Il n'y a personne qui le force. Quand tu viens par exemple à la mosquée, est-ce que tu sens quelqu'un qui tire sur ta jambe pour que tu viennes à la mosquée quand tu marches? Ou bien quand tu veux aller faire quelque chose de mal, est-ce que tu sens qu'il y a une force qui pousse derrière toi, dans ton dos, pour aller le faire? Non. Même le shaitan, il ne te force pas. Hein? Et au jour de la résurrection, il va dire, hein? J'avais aucun pouvoir sur vous, hein? Excepté que je vous ai suggéré quelque chose et vous m'avez obéi. Hein? Il dit dans ce que Allah mentionne de sa parole au jour de la résurrection, c'est comme ça. Illa an da'outukum fastajabtum li. Je vous ai invité à faire quelque chose, puis vous m'avez répondu, vous m'avez suivi. Donc, chacun est responsable de ses œuvres. Il n'y a personne qui a forcé personne. Si tu fais le bien, c'est par ton propre choix. Si tu fais le mal, c'est par ton propre choix. Et peu importe quelle action, et tu seras jugé selon ce que tu as fait. Si tu as fait du bien, tu as fait du bien, Allah va te récompenser pour cette action-là. Si tu as fait du mal, Allah va te châtier pour cette action que tu as fait. Et il dit, wa qala ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Yani bi'ilmihi as-sabiq, subhanahu wa ta'ala. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yani al-lawh al-mahfouz. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, toute chose nous l'avons créée dans une juste mesure. Et donc c'est par rapport à sa science qui précède toute chose. Et il dit dans un autre verset, le verset 12 dans sourate Yasin, chaque chose nous l'avons enregistrée, écrite dans un livre clair. Fi imam mubin, c'est la table préservée. Il dit ensuite le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala alima l'ashya azalan qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bimalayin as-sinin bi'ilmihi al-qadim al-azali alladhi la bidayata lahu alima kulla shay'in thumma katabahu fi al-lawh al-mahfuz qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana kama fi hadith Abdullah ibn Umar aw Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أخرجه مسلم وقال بعد ذلك وعرشه على الماء هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a su toutes choses de qu'est-ce qui allait se produire éternellement il savait à l'avance tout ce qui allait se produire à l'avance éternellement. Et il a créé les cieux et la terre, il le savait avant des millions d'années, et plus encore, dans sa science de l'infini et de l'inconnu, dans sa science de ce qui a précédé. Il savait ça éternellement. Sa science, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et il a su également toutes choses, et ensuite, il a écrit dans la table préservée, avant d'avoir créé les cieux et la terre, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, il a écrit tout ce qui allait se produire jusqu'à la fin des temps. Il a écrit ça dans la table préservée. Et ça, c'est mentionné dans le hadith d'Abdullah ibn Amr qui dit « Allah a écrit la prédestination de chaque chose avant d'avoir créé, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre ». Donc, ça c'est rapporté par l'imam muslim, c'est la parole du prophète. Donc il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. C'est le verset 59 dans sourate Al-An'am. Donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les clés de l'inconnu. Il connaît toutes choses. Il dit, c'est lui qui détient les clés du ghaib, les clés de l'inconnaissable et de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc tout a été écrit. Et le cheikh il dit ensuite al-dharra, al-namla, al-sagira wal-kabira, wa adqu al-ashya, wal-waraqatu tasqut, kullu shay'in 'alimahu Allahu fil-azal wa katabahu وسجله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. فالذي ينكر هذا العلم كافر لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit que l'atome, la plus petite graine, la fourmi, que ce soit petit ou grand, peu importe, la plus petite des choses, même une feuille qui tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît. Il l'a su éternellement, sa création. Il a su son mouvement éternellement. Tout a été écrit et enregistré dans la table préservée 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Quiconque renie cela, hein, quiconque renie cette science, il est kafir, c'est-à-dire il n'est pas croyant. Parce qu'il a renié Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit وحصل هذا في أواخر عهد الصحابة قوم نشأوا في العراق بالبصرة أو بالكوفة فجاء قوم من العراق منهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن يسألون عن هذه المشكلة وجدوا أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه نشأ من قبلنا قوم يعني يقتفرون العلم يعني يثني عليهم ومغتر بهم يقتفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف. قال أبلغوهم أنني منهم براء وأنهم مني براء والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا وأنفقه لا ينفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر والقدر فيه آيات كثيرة. نعم. Donc le cheikh il explique que à la fin de l'époque des Sahaba, cette histoire est arrivée que yani en Irak, que ce soit à Koufa ou à Basra, il y a des gens qui ont renié la prédestination et il y a des tabi'in qui venaient de cette région là qui sont venus poser la question à Abdullah ibn Omar. Et ils lui ont dit, il y a des gens chez nous qui disent telle chose, ils cherchent la science et tout, puis ils disent il n'y a pas de prédestination. Et Abdullah ibn Omar s'est désavoué d'eux. Et il a dit, même s'ils donnaient la montagne d'Uhud en or, ça ne leur servirait à rien jusqu'à ce qu'ils croient en Al-Qadar. Donc ça veut dire, s'ils ne croient pas en Al-Qadar, ce n'est pas des croyants. Hein? Et donc, le cheikh il dit ensuite, « وفي علم الله السابق سبحانه وتعالى علمه بكل شيء » لكن هؤلاء القدرية كذبوا بالآيات القرآنية الدالة على علم الله السابق بكل شيء ثم كتابته لهذا لذلك في اللوح المحفوظ. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام أجابه عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالله علم كل شيء وقدره قدر كل شيء تقديرا يقول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. كفرهم السلف كفرهم ابن عمر وتبرأ منهم وحكى عليهم حكم الكافرين لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما نفعه ذلك. Donc le cheikh il répète encore les arguments et les preuves qu'il a mentionné. Après il dit والمؤمن لو أنفق مثقال ذرة ينفعه ينفعه الله بها سبحانه وتعالى ولو ينفق تمرة ولو ينفق شعيرة ولو ينفق أي شيء لقمة يتصدق بالتمرة فينميها الله حتى تصير مثل أحد هذا يتصدق بمثل أحد ذهبا وما ينفعه لما لأنه كافر عند ابن عمر وكفرهم السلف. Donc le cheikh il dit regardez, les qadariyas. Ibn Omar, il dit, s'ils donnaient la montagne de Uhud en or, ça leur servirait à rien. Et il dit, mais tandis que le croyant, même s'il donnait une graine, une petite graine, ça lui servirait auprès d'Allah. même si c'est une petite date qu'il donne en aumône ou en charité, ou même une graine, tu donnes en charité, ça va te servir. Une bouchée, une poignée, hein, de quelque chose que tu donnes pour Allah, Allah va le faire grandir et croître jusqu'à ce que ça grandisse, jusqu'à ce que ça devienne comme Uhud. Tandis que l'autre, il donne la montagne de Uhud en or et ça lui sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas croyant. Il est kafir. Hein? Il est kafir pour Ibn Omar et les salafs les ont déclarés kuffar, ceux qui nient la prédestination. Le cheikh, il dit ensuite, il dit, هذا النوع من القدرية كفرهم السلف فلما كفرهم السلف تراجع متأخروهم فصاروا يؤمنون بهذا العلم السابق وأن الله يعلم الأشياء كلها قبل وجودها وبعد وجودها سبحانه وتعالى ولكن قالوا إن المعاصي وأفعال العباد ليست داخلة في مشيئة الله فالله لا يشاؤها يفعل العبد أشياء لا يريدها الله عز وجل فهذا ضلال وبعضهم كفرهم لأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبإرادته فأنكروا هذا النوع من القدر فمن السلف من كفرهم ومنهم من لا يكفرهم كثير من السلف لا يكفرونهم ولكن ضلال أشقياء والعياذ بالله شيخ الزي cette catégorie de qadariyah qui niait la science précède d'Allah qui précède les actes des serviteurs, les salafs les ont déclarés kuffars. Donc, étant donné que les salafs les ont déclarés kuffars, beaucoup d'entre eux sont revenus de cette fausse croyance et ils ont accepté de croire en la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la création des que les choses se produisent ou après qu'elles se produisent. Et donc, ils ont reconnu ça. Ils sont revenus de cette fausse croyance. Toutefois, ils disent, les péchés et les actions des serviteurs, elles n'entrent pas dans la volonté d'Allah. C'est-à-dire que pour eux, ils disent que Allah n'a pas voulu nos péchés et n'a pas voulu qu'on fasse ces péchés-là. Et donc, ils ont dévié dans la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'ils disaient que oui, on peut faire des choses et aller contre la volonté d'Allah. Et ça, c'est de l'égarement. En fait, souvent aussi la raison pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas distingué entre al-iradatul kawniya ou al-iradatul shar'iya. La volonté d'Allah dans ce qu'il veut, dans le sens qu'il l'aime, et la volonté d'Allah dans ce qu'il veut, dans le sens qu'il permet par sa sagesse que cette chose se produise, même s'il ne l'aime pas. Et ils n'ont pas distingué entre les deux, et à cause de ça, ils ont dévié. La volonté de ce qui se produit et de ce que Allah aime, c'est par la révélation qu'on le connaît. Parce qu'il nous a fait connaître ce qu'il veut de nous dans sa révélation par l'intermédiaire de ses messagers et de ses livres. Il nous dit ce qu'il aime, il nous dit ce qui est bon, et il nous dit ce qui est mauvais. Et de faire ce qui est bon, qu'est-ce que ça va nous donner? Et de faire ce qui est mauvais, et qu'est-ce que ça va nous amener comme punition? Tandis que la volonté d'Allah du fait qu'il permet que certaines choses qu'il n'aime pas se produisent, ça, on le constate dans la création. C'est des choses qu'on voit dans la création. Tu sors dehors, tu vois un accident, ou bien tu vois un homme qui frappe un autre, ou un meurtre, ou bien un vol, ou bien quelque chose qui se passe. Est-ce que Allah aime le vol? Est-ce que Allah aime le shirk, l'idolâtrie, des choses comme ça? Non. Mais il a permis que ces choses se produisent pour mettre les hommes à l'épreuve. Sinon, il n'y aurait pas eu de test. Hein? Donc, il y a une sagesse derrière. Et c'est ça qu'eux, ils n'ont pas distingué entre les deux. Ils ont pensé que si on dit que Allah a voulu, ils ont pensé que ça veut dire que Allah a aimé. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, ce sont des gens qui se sont égarés. Et certains d'entre ces gens-là ont été déclarés kuffar par une partie des salafs. Parce qu'il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers excepté par la permission d'Allah et par sa volonté. Donc, ils ont renié cette forme de... ils ont renié cet aspect de la prédestination. Et les salafs, eux, certains les ont déclarés kuffar, ceux-là, et d'autres ne les ont pas déclarés kuffar, mais beaucoup d'entre les salafs les ont déclarés non-croyants. Ceux qui ne les ont pas déclarés non-croyants, ils les considèrent quand même comme étant des ignorants, des égarés plutôt, et des gens déviés. Voilà, ayazu billah. Après le cheikh, il dit, ويقولون العبد يخلق فعل نفسه يفعل بإرادته وقدرته ولا ارتباط بهذا ولا ارتباط بهذه الأعمال بمشيئة الله وهذا أيضا فيه رد للقرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله أما أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة فيؤمنون بمراتب القدر كلها وهي كما يقول الإمام ابن تيمية وابن القيم أربع مراتب المرتبة الأولى علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها المرتبة الثانية كتابتها قبل كونها المرتبة الثالثة مشيئته لها مشيئته لها والمرتبة الرابعة خلقه لها. Donc le cheikh ils disent, c'est-à-dire ces gens-là qui ont dévié dans la prédestination, ils acceptent que Allah a la connaissance absolue de toutes choses, sauf qu'ils nient le lien entre la volonté d'Allah et les actions des serviteurs. Ils disent, le serviteur crée lui-même ses propres actions et il fait selon sa propre volonté et sa propre puissance ou capacité et il n'y a pas de lien entre ses actions et la volonté d'Allah. Et ça, le cheikh il dit, ça c'est quelque chose qui vient ou qui est réfuté, qui vient contredire le Coran. C'est-à-dire ce qu'ils disent, ça vient en contradiction avec le Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu, le Seigneur des hommes, le Seigneur des mondes. Donc la volonté des serviteurs est reliée à la volonté d'Allah. Mais en ce qui concerne les gens de la vérité, les gens qui sont sur la sunna, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis parmi les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils croient en la prédestination et ils disent que la prédestination elle a 4 degrés. Si tu as compris ces 4 degrés de prédestination, tu as compris la question de la prédestination et tu es sauvé inshallah de toutes les déviations qui ont existé au sujet de cette question-là. C'est quoi ces 4 degrés? Le premier degré, la science d'Allah. C'est-à-dire que tu crois que Allah, il sait tout avant que les choses se soient produites et avant qu'elles soient créées. Allah savait tout de qu'est-ce qui se produit avant que ça se produise. Donc ça c'est le premier degré. Le deuxième degré, kitabatuha qabla kawniha. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé, Allah l'avait écrit avant. Tout ce qui a été créé, avant que ce soit créé, Allah l'avait écrit. D'accord? Donc ça c'est le deuxième degré, qu'est-ce qu'on appelle al-kitaba. Le troisième degré, mashi'atuhu laha. Ça, c'est aussi très important, c'est que tout ce que Allah a su et a écrit, quand il l'a créé, il n'y a rien qui se produit excepté que c'est lui qui l'a voulu. Donc le troisième degré, c'est le degré de la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui se produit dans l'univers, peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit bien ou mal, excepté que c'est par la volonté d'Allah. Hein, et par sa permission. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah. Et le dernier, parmi les 4 degrés, c'est le fait que tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Même les actes des serviteurs, c'est Allah qui les a créés. Hein? Et comme j'expliquais dans les cours, que le fait qu'on dise, qu'on croit que Allah, c'est lui qui a créé nos œuvres, c'est différent de dire que Allah crée nos œuvres et de dire qu'il fait nos œuvres. C'est pas la même chose. Dans le sens que l'action qu'on fait, c'est nous-mêmes qui le faisons. Par exemple, manger, c'est nous, quand on mange, c'est nous-mêmes qui mangeons. Mais c'est Allah qui a créé l'action de manger. Mais lui, Allah, il ne mange pas. Hein? Donc il ne faut pas mélanger le fait de créer l'action et le fait de que l'action est faite. Hein? L'action est faite par toi. Mais c'est qui est-ce qui a créé cette action? C'est Allah. Hein? Donc quand quelqu'un fait un péché, c'est lui-même qui fait ce péché-là. Et c'est Allah qui l'a créé. Hein? Quand l'être humain mange, c'est l'être humain qui mange. C'est lui qui le fait, l'action. Mais qui est-ce qui a créé l'action? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire la différence entre les deux. Après le cheikh il dit وَيُؤَكِّدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ لِلْعَبْدِ قُدْرَةٌ وَمَشِئَةٌ وَعَقْلًا أَنَّ لِلْعَبْدِ قُدْرَةً وَمَشِئَةً وَعَقْلًا وَاخْتِيَارًا وَلَكِنْ مَشِئَتُهُمْ وأعمالهم مرتبطة بمشيئة الله فلا يحصل شيء في هذا الكون الذي خلقه الله ودبره ولا يحصل شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى والعبد وأعمالهم مخلوقة لله العبد عنده قدرة وعنده إرادة وعنده اختيار يحاسب على هذا العقل وعلى هذه القدرة وهذه الإرادة وهذا الاختيار وهو يعلم من نفسه حينما يأتي الأشياء مختارا وحينما يأتيها مضطرا يفرق العبد حتى الحيوانات تفرق بين الاضطرار والاختيار والاختيار. Il y a des choses qu'on fait, c'est des choses que on contrôle pas, puis il y a des choses qu'on fait que c'est nous-mêmes qui contrôlons. Par exemple, quand on respire, est-ce que c'est nous qui contrôlons ça? Non, on respire même sans réfléchir. Hein? Nos yeux, ils se ferment chaque fois sans même qu'on pense à ça. Notre cœur, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons besoin de dire à notre cœur de battre ou bien il bat tout seul? Il fait ça, c'est automatique. Hein? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle ces choses-là. Ça, c'est des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Hein? Il y a des choses qui se font par accident. Quand on fait quelque chose par accident, c'est pas nous. Hein? C'est pour ça que l'homme, quand il fait un accident, il n'est pas blâmé. Hein? Quand il n'a pas fait quelque chose volontairement, c'est pas comme quand il l'a fait volontairement. D'accord? Et quand les gens ils disent meurtre non prémédité, et meurtre prémédité, hein? Ou meurtre volontaire, et un acte volontaire, un acte qui est pas volontaire, c'est pas les deux la même chose, d'accord? Donc, quand c'est un accident, tu dis qadar Allah ma sha'a fa'al. Hein? C'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui a prédestiné, cette chose s'est produite. Et donc, c'est le qadar, ça a été prédestiné comme ça, c'était arrivé. Mais si c'est toi qui choisis de faire un acte, hein, ça fait partie du qadar aussi, mais toi tu as choisi volontairement de le faire, donc tu es responsable. C'est ça la différence. Hein? Donc si tu fais le bien, tu as réfléchi, tu as fait quelque chose de bien, tu seras récompensé. Tu as réfléchi, tu as fait quelque chose de mal, tu as choisi le mal, tu seras puni pour ça. Hein? Et le cheikh il dit, il y a une différence entre les choses que tu fais volontairement puis les choses que tu fais parce que t'es forcé. Hein? T'as pas réfléchi. Il dit « حتى الحيوانات تفرق بين العمل الذي يصدر من صاحبه مضطرا وبين الذي يصدر من صاحبه مختارا يمثلنا بالكلب إذا يعني رميته بحجر لا يهاجم الحجر يلحقه أنت يحاربك لماذا؟ لأنه يدرك أن الحجر ليس له اختيار وأنت لك اختيار فيحاربك أنت فالعبد يشعر من نفسه بالضرورة يعني c'est vrai. Si par exemple il dit le chef, tu prends un chien, tu lui lances une pierre, le pierre, est-ce que le chien va attaquer la pierre ou bien il va t'attaquer toi? Il va t'attaquer toi parce qu'il sait que la pierre c'est pas elle qui a décidé de le frapper. Hein? Ou bien un être humain, non, c'est normal, tu prends une roche, tu la lances sur quelqu'un, hein? Ou bien tu prends les faces là, tu lances comme ça, hein? Est-ce que tu vas commencer à frapper les faces et à essayer de te venger sur les faces, ou bien tu vas regarder celui qui t'a lancé les faces? Hein? Tu sais que c'est celui qui a lancé les passes, qui a choisi, qui a réfléchi, qui a visé pour te la lancer. Donc c'est lui le responsable, c'est pas les faces elles-mêmes. Hein? Tandis que des fois tu vas marcher dans la rue, surtout en hiver, ça arrive. Tu marches sous un arbre, tout d'un coup, il y a un gros morceau de glace ou de neige tombe sur ta tête. Tu regardes en haut, tu vois, hein? Il y a rien. Mais tu sais que, yani, subhanallah, c'est qadar, c'est la prédestination. Tu ne peux pas blâmer l'arbre. Hein? Tu ne peux pas commencer à frapper l'arbre ou insulter l'arbre. Ça, c'est la prédestination. C'est Allah qui a voulu que cette chose se produise à ce moment-là. Le cheikh, il dit, فَالْعَبْدْ يَشْعُرُ مِنْ نَفْسِهِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ يَأْتِ الْخَيْرِ مُخْتَارًا وَيَأْتِ الشَّرْ مُخْتَارًا يَزْنِي وَيَسْرِقُ وَيَقْتُلُ وَيَغْتَابُ وَيَفْعَلُ الْأَفَاعِيلِ سيئة ويعتمدها ويختارها ويقدم عليها فهو مسؤول بهذا الاختيار وبهذه القدرة بهذه الإرادة وما وراء ذلك ليس لك فيه دخل كون الله أرادها هذا لا دخل لك فيه أنت حاسب نفسك حاسب نفسك واقتنع في قراءة نفسك في قرارة نفسك أنك مسؤول عن هذه الأعمال. Donc il dit après, le reste, yani les choses que tu as choisi de faire, tu les fais volontairement. L'adultère, la fornication, le vol, tuer, voler, mentir, toutes les mauvaises actions, tu les as faites parce que tu les as réfléchies, hein, tu les as choisies, et donc tu es responsable de ces actions-là. Hein, et tu les as faites par ta propre volonté. Le fait qu'Allah l'ait prédestiné ou voulu, Ça, t'as pas besoin de rentrer là-dedans, toi. Toi, qu'est-ce que tu dois faire, c'est de te demander des comptes à toi-même. Et savoir, au fond de toi-même, que tu es responsable de ces œuvres-là. Et il dit, وَيُحَاسِبُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ النَّاسَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ يعني, مَا أَعْطَاهُمْ هَذِي الْعُقُولِ وَأَعْطَاهُمْ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَأَعْطَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ فَعَصَوْهُ وَإِنْ كَانَ هذا وإن كان هذا حاصل فبمشيئة الله وإرادته ولكن العبد فيه مسؤول أيضا العبد عليه مسؤولية فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهو السارق وهو الزاني. Donc le cheikh il dit chacun il sera jugé pour ses œuvres. Allah lui a donné la raison, lui a donné l'argent, le statut, lui a donné toutes choses pour qu'il utilise ces choses-là pour faire le bien. Au lieu de faire le bien, il a désobéi à Allah. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que tout ça, c'est par la volonté d'Allah. Mais le serviteur est responsable, il a une responsabilité. Donc le serviteur, c'est soit qu'il est celui qui prie, ou celui qui jeûne, ou celui qui vole, ou celui qui fait la fornication ou l'adultère. Il y a une autre secte qui a dévié à propos de la prédestination, et c'est la secte des Jabriya. C'est l'autre extrême. Ceux dont on a parlé maintenant, Al-Qadariya, c'est ceux qui nient la prédestination. Ils disent non, il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de lien entre la volonté d'Allah et les actions des serviteurs. Il y a un autre extrême de ça, c'est la secte des Jabriya. Et le Cheikh dit wa madhhabuhum qad yakunu akhas min madhhab al-Qadariya. لأنهم يعتقدون أن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له اختيار وهذا كذب هذا كذب كل واحد يشعر في نفسه أنه عنده قدرة واختيار وإرادة فهذا فيه تعطيل للشريعة تعطيل الأوامر والنواهي وتعطيل للوعد والوعيد إلى آخره. Donc il dit الجبرية c'est une secte qui est pire que celle des Qadariyah d'un certain point de vue. Parce que eux, ils croient que l'homme est forcé et contraint de faire qu'est-ce qu'il fait, qu'il n'a pas de volonté ou de choix. Et ça, c'est un mensonge. Parce que chacun, en nous-mêmes, on ressent qu'on a un choix et on a une capacité, une volonté. Et donc, en ayant cette idée qu'ils ont, il y a une forme de... C'est comme si quelqu'un, il rejette la charia, il rejette les ordres et les interdictions, et la menace est là. Promesse d'Allah en même temps. Donc le cheikh il dit فَمَسْأَلَةُ الْقَدَرْ سِرٌ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ لَا تَبْحَثْ كَثِيرًا. أنت عبد مكلف عليك أن تعمل عليك أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهيه سبحانه وتعالى وتخشى الله وتراقبه وتشعر بالمسؤولية أمام الله وأنك ستحاسب أمام الله. الناس الآن حتى الجبرية لو تأخذ ماله يحاربك، ها؟ ما يقول والله هذا يعني والله هذا فعل الله، ها؟ بل يحاربك على أنه فعل فعلك. يعني مثلا عنده بقر وعنده غنم وعنده ذهب وعنده فضة، تأخذه أو شيئا منه يحاربك، لا يقول والله أنت مجبور. فحتى الجبرية وقت الجد يذهب عنه هذا الكلام الفارغ. Donc le cheikh il dit la question de la prédestination, comme on a dit, c'est un des mystères parmi les mystères d'Allah. Il ne faut pas trop chercher à ce sujet-là. Hein? Les salafs ils disaient ça justement. Il ne faut pas trop chercher. Et puis ils disaient tu fais les ordres, tu t'écartes des interdictions et tu crains Allah et tu sais qu'il te regarde et qu'il te surveille. Et tu ressens la responsabilité que tu as à ce sujet-là devant Allah, et que Allah va te juger. Maintenant, les hommes, même les Jabriyas, s'il a de l'argent, puis que tu lui prends son argent, il va vouloir te faire la guerre. Hein? Il dit, s'il a une vache, ou un mouton, ou de l'or, ou de l'argent, tu lui prends ça, il va vouloir te frapper, il va vouloir se battre. Il ne va pas dire, ah, mais toi tu es contraint, c'est pas ta faute, tu n'as pas choisi de faire ça, tu n'avais pas ta volonté. Non! Il va vouloir se battre avec toi pour avoir son argent ou son bien. فالقدر سر الله تبارك وتعالى نؤمن بالقدر خيره وشره من الله وأن لا شيء في هذا الكون يخرج عن مشيئة الله وإرادته وأن العباد فاعلون ومسؤولون عن أعمالهم والله خلقهم وأعمالهم سبحانه وتعالى ولا يجوز للعبد أن يحتج بالقدر على المعاصي والمعائب وإنما يحتج بالقدر على المصائب التي صبره عليها وعدم الجزع منها. قال تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن الصادق يؤمن بقدر الله خيره وشره، إن أصابته نعمة شكر وإن أصابته ضراء صبر، واعتقد أن كل ذلك من عند الله وبتقديره. قال تعالى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Donc le cheikh il termine avec ce point. Il dit que qadar, comme on a dit, c'est un des mystères d'Allah. Il faut croire en la prédestination, que ce soit bien ou mal. Il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté que ce soit par la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah dans l'univers. Les serviteurs, les hommes, c'est eux qui font leurs œuvres et ils sont responsables de ce qu'ils font. Et ils sont responsables de ce qu'ils font. Et Allah a créé leurs œuvres. Hein, il les a créés et a créé leurs œuvres aussi. Il n'est pas permis à quiconque d'utiliser le qadar comme un argument pour justifier tes péchés. Tu n'as pas le droit d'utiliser la prédestination comme un argument ou une excuse pour justifier tes péchés. Par exemple, yani, tu frappes quelqu'un. Puis tu dis à la personne, je m'excuse, je t'ai frappé, mais c'est parce que Allah il a prédestiné que je devais te frapper. Tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? Pourquoi? Parce que déjà Allah, tu sais, il t'a interdit de frapper. Et il y a l'exemple de Omar ibn al-Khattab, vous connaissez, quand un homme avait volé à son époque, et l'homme, on l'a ramené devant Omar ibn al-Khattab, qui était à l'époque le khalifa, le dirigeant. Et on lui a dit, oh Omar, il a dit, oh Omar, j'ai volé par la prédestination d'Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui a prédestiné que j'allais voler. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Omar? Il a dit, moi je vais appliquer sur toi la peine que Allah a prédestinée pour toi. Donc t'as volé, tu dis que t'as volé par la prédestination d'Allah. Moi je vais te couper la main par la prédestination d'Allah. Hein? Et on règle ce genre de problème par le qadar aussi. Mais c'est pour dire que si tu fais un péché, tu ne peux pas utiliser comme excuse la prédestination, parce que tout ce que tu l'as fait par ton propre choix. Hein? Sauf si c'est un accident ou si quelque chose qui s'est produit hors de ton contrôle, un malheur qui arrive, dans ce cas-là, oui, tu peux mentionner la prédestination. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi cette chose-là. Hein? Un tremblement de terre, un accident de voiture dans lequel tu n'es pas responsable, tu n'as pas fait d'erreur ou de faute. Donc dans ce cas-là, oui, tu peux dire ça, c'est le qadar. Mais quelque chose que tu as fait volontairement. Tu prends ta voiture, tu vois quelqu'un, tu lui fonces dedans avec ta voiture, tu dis qadar Allah ma sha fa'al. Non, c'est toi qui as choisi de lui rentrer dedans. Tu es responsable. Mais une personne, hein, sans faire attention, elle a couru devant toi, tu ne l'avais pas vue, tu l'as frappée. Tu n'as pas choisi de faire ça. Donc ça, c'est le qadar. C'est un accident. D'accord ? Il ne faut pas mélanger les choses. Et tu ne dois pas non plus te plaindre de ce qui est arrivé lorsqu'il y a un malheur. Hein, te plaindre de ça. Tu dois faire preuve de patience et d'endurance. Et tu dois pas blâmer le qadar ou t'objecter à la prédestination d'Allah. Comme par exemple, tu ne dois pas dire « Oh, pourquoi cette chose-là s'est arrivée ? Si je n'avais pas fait ça, j'aurais fait ça à la place. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû tourner à gauche au lieu d'aller à droite. J'aurais pas dû sortir telle heure, j'aurais dû attendre. » Non, c'était écrit que tu allais sortir à cette heure. C'était écrit que tu allais frapper cette personne. C'était écrit que la personne allait mourir. Peu importe qu'est-ce que tu voulais faire, tu ne pouvais pas t'échapper de ça. Ça, c'était écrit pour toi, c'est dans ton qadar et c'est ta destinée. C'est une épreuve, c'est un test pour toi. Sois patient maintenant. Et le cheikh, il mentionne le verset 155 à 157 dans Surat al-Baqarah à ce sujet. Et on va le lire en français pour voir qu'est-ce que ça signifie. Il dit le verset ce que ça signifie. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là recevront des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Verset 155 à 157 dans Surat al-Baqarah. Et il y a aussi un autre verset que j'aime beaucoup à propos de Al-Qadar aussi, dans Surat al-Hadid. Le cheikh il ne l'a pas cité, mais je vais le citer quand même parce que c'est un verset qui est très important par rapport au qadar. Ça dit: nul malheur, c'est le verset 22 dans Surat al-Hadid. Ça dit en arabe, c'est ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha in dhalika 'ala Allah yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ça signifie, c'est 22 et 23, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. C'est-à-dire, s'il y a un malheur qui atteint sur la terre ou qui atteint vos personnes, eh bien, ça c'était déjà écrit dans un livre avant que ce soit créé. Et ça, c'est facile à Allah. Il dit ensuite, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez, c'est-à-dire vous réjouir pour ce qu'il vous a donné. Allah n'aime point tout, présomptueux, plein de glorioles. Donc si t'arrive quelque chose, un malheur, tu vas pas être triste, trop triste par rapport à ça, parce que tu vas savoir que c'est Allah qui l'a prédestiné. Puis tu vas pas être non plus exagérément réjoui au point d'oublier Allah dans ce genre de choses. Puis le cheikh, il termine avec le hadith. Il dit, ben, premièrement, il dit, le croyant qui est sincère, il croit en la prédestination, de ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal. S'il y a quelque chose qui lui arrive de bien, il est reconnaissant. S'il lui arrive quelque chose de mal, il est patient et endurant. Et il croit que tout cela vient d'Allah et que cela fait partie de sa prédestination. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, comme est étonnante l'affaire du croyant. Si il dit toute son affaire est toute bonne, il n'y a que du bien pour le croyant. Et ça, ce n'est pour personne d'autre que pour le croyant. Si un bien le touche, il est reconnaissant, et ça c'est un bien pour lui. Et si un mal le touche, il est endurant, et ça c'est un bien pour lui. Donc si tu es croyant en la prédestination d'Allah, peu importe qu'est-ce qui t'arrive, c'est toujours un bien pour toi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite de cette aqidah des deux Razi au prochain cours, inshallah. Et la prochaine partie, c'est à propos de la secte des Jahmiya et des Rafida. Vas-y. Non. Avec l'ange de la mort, non? Avec Adam, oui. On le mentionnera peut-être la prochaine fois, parce que là déjà on a plus de temps, inshallah. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.